Jolly, jolly, jolly, jolly rancher dans le cup. Jolly, jolly, jolly, jolly rancher dans le cup. Jolly rancher dans le cup. Jolly rancher dans le cup. Gobelet rouge dans les mains, je le conseille à shifty. Je le conseille à shifty. Je la conseille moi et kiff. Elle se croit trop fashion, mais elle pompe tous ses amis. Mais elle pompe tous ses amis. Mais elle pompe tous ses follow. Insta, non, pourquoi pas devenir Insta pour faire la diff. Insta pour faire la diff. Insta pour faire ton chiffre. Jolly rancher dans sa langue. Jolly, jolly, jolly, jolly, jolly rancher dans le cap. Ne force pas à te dire ce qu'on pense. Ça nous gêne quand t'es dans la pièce. Je sais très bien que c'est pour nous voir. Que tu es passé par les pièces. Je prends la place du roi, je te laisse celle du valet. Gros poté, c'est ma pelle, c'est qui calise. La vérité, en vrai, je m'en fous de ce qui valait. 2018, bilan de l'année, dans ce putain de monde, y'a plus de valeur. Mais on sait nous, ouais, nique sa mère, Miami. Avec Fala, on fera jamais à Miami. Acheter blabla, acheter nanani. Ce soir, je suis chaud, je vais voir Nina et Mélanie. Ouais, j'envoie la biche, ouais, j'envoie la ligne. Ramène le fameux et sûr, je te fais des hits. Ouais, on voit qu'il brille, que je fume la pépite. Après, je vais direct tacler la petite. Ne force pas à te dire ce qu'on pense. Ça nous gêne quand t'es dans la pièce. Je sais très bien que c'est pour nous voir. Que tu es passé par les pièces. Ne force pas à te dire ce qu'on pense. Ça nous gêne quand t'es dans la pièce. Je sais très bien que c'est pour nous voir. Que tu es passé par les pièces.